franceinter.com. C'est un fantôme toujours embarrassant. On l'a encore constaté très récemment lorsqu'un secrétaire d'État du gouvernement actuel a tout fait pour qu'il ne soit pas fait mention de son passé lors de la campagne électorale. Un passé d'extrême droite qui, justement, avait à voir avec l'homme dont M. X a choisi de nous parler aujourd'hui, Georges Albertini. Un homme de l'ombre, un mystérieux personnage qui a joué un rôle occulte dans l'histoire de notre pays, après avoir été mêlé à ses épisodes les plus nauséabonds. Aujourd'hui, presque 30 ans après sa mort, l'homme n'a toujours pas livré tous ses secrets. Et ne dit-on pas qu'il existe quelque part, au fond d'un coffre-fort, des papiers qui pourraient encore être très compromettants pour quelques acteurs de la scène politique ? Monsieur Georges, comme certains l'appelaient, fait donc toujours peur. Mais il est vrai qu'il suffit de se pencher sur quelques affaires récentes, comme le scandale de la caisse noire de l'Union des industries métallurgiques et minières, pour renifler la présence de Georges Albertini. Qui était donc réellement ce personnage, une éminence grise, un homme d'influence ou le Deus ex machina de la politique française pendant les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale? La réponse avec un autre homme de l'ombre, M. X. Le clan, la cagoule. Autour de nous, le sang coule. À la mort, il y a foule. Le clan, la cagoule. Relax, baby, be cool. Tout le monde, il est ma boule. Relax, baby, be cool. Tous les cons sont faits au moule. Une remarque d'abord. Au cours de nos entretiens, vous en souvenez certainement, nous avons déjà croisé Georges Albertini. Quand j'ai évoqué, par exemple, l'histoire mythique de la Synarchie. Oui, ces liens vrais ou imaginaires, hein, avec ce gigantesque complot d'avant-guerre, celui de la cagoule. Ah, un complot bien réel, celui-là. C'est exact. Mais je vous ai aussi parlé d'Albertini lorsque j'ai ouvert le dossier du mystérieux assassinat d'un militant d'extrême droite. François Duprat. Oui, ouais. Pour aussi ajouter que Georges Albertini n'est pas tout à fait étranger à la création et à l'histoire du SAC, cette officine gaulliste devenue au fil des ans un repère d'hommes de main et de gangsters. Enfin, j'en aurais provisoirement terminé avec ses rappels quand j'ai retracé l'itinéraire d'Irving Brown, cet agent de la CIA infiltré en France et qui a joué un si grand rôle dans notre pays. J'aurais également pu évoquer ses relations avec Georges Albertini. Et bref, cet homme était partout, là. Et il ne s'agit peut-être que de la partie visible de l'iceberg, mais n'allons pas trop vite. J'ajoute, avant d'entrer dans le vif du sujet, que Georges Albertini, qui a fréquenté le gratin du monde politique pendant plus de 30 ans, avait une particularité. Jour après jour, il a pris des notes sur ses rencontres et les services petits et grands qu'il rendrait à tout ce beau monde. Or, on ne sait pas ce qu'est devenu ce trésor composé de milliers de fiches manuscrites. A-t-il été brûlé par l'un de ses proches, comme on l'a prétendu, ou bien dort-il quelque part à l'abri d'un coffre ? Mystère. Et vous pensez qu'il réapparaîtra un jour ? Franchement, je n'en sais rien. Mais ça serait une vraie manne pour les historiens. Et malgré le temps qui a passé, ça donnerait sans doute des sueurs froides à quelques éminents personnages. Toutefois, bon, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, entrons dans le vif du sujet, comme vous le proposiez. Volontiers. Encore un mot quand même. Dans la première partie de sa vie, Albertini, futur homme de l'ombre, a eu une existence publique. Et il ne s'est pas caché. Hein. Bien au contraire. Et sans l'épisode de la collaboration, il aurait sans doute été appelé à faire une grande carrière politique. Mais on verra ça plus tard. Alors, d'où vient-il ? Il est issu d'un milieu très modeste. Son père, d'origine corse, est cheminot et sa mère, femme de ménage. Le petit Georges, qui est né en 1911, est un écolier brillant et profite pleinement de l'ascenseur républicain, comme on disait autrefois. École normale d'instituteur, puis école normale supérieure grâce à une bourse, il est nommé au début des années 30 professeur d'histoire dans le département de l'Aube. Et la politique, parce que ça sera vraiment la grande affaire de sa vie. À d'emblée, Albertini se situe à gauche, sinon à l'extrême gauche. En tout cas, il rejoint assez vite les rangs de la SFIO. Oui, le Parti Socialiste, comme on l'appelait à l'époque. Et détail intéressant, il se range assez rapidement dans le camp des pacifistes. Pourquoi insister sur ce point-là ? Parce qu'on retrouvera plus tard à Vichy quelques éminents représentants de cette tendance, dont celui qui sera le mentor d'Albertini, Marcel Déat. Ouais. Ce sont aussi ces socialistes qui vont approuver les accords de Munich. Hein. Oui, d'ailleurs, ce pacifiste est un ardent partisan du rapprochement franco-allemand. Malgré l'avènement des nazis ? Pour Albertini, mais il n'est pas le seul à le penser, il faut tout faire pour éviter une nouvelle guerre. On sait où ça mènera certains d'entre eux. Hein. Autre détail très éclairant, Albertini est aussi influencé par les socialistes planistes qui prônent une organisation scientifique de l'économie et des moyens de production sans pour autant rompre avec le capitalisme. Une doctrine qui inspirera aussi les technocrates qui se rassembleront autour de Pétain. Ceux qu'on accusera d'appartenir à la mystérieuse synarchie. Là, on en reparlera. On y vient, la synarchie. Alors, ce sont aussi là, ces socialistes, des gens hostiles au marxisme. Hein. Effectivement, Georges Albertini, dès ses débuts en politique, est résolument anticommuniste. Et ce sera tout au long de sa vie la principale ligne directrice de sa pensée et de son action. En tout cas, au cours de ces années 30, le jeune professeur est un militant socialiste et syndicaliste très actif qui grimpe rapidement les échelons à l'intérieur du parti et de la CGT. En outre, comme c'est un excellent orateur, il se fait très vite remarquer et connaître des principaux hiérarques de la SFIO. Ah, et puis, il doit enrichir son carnet d'adresse. Et c'est ça, car c'est l'autre caractéristique du personnage. Albertini cultive précieusement ses relations, et pas seulement dans la sphère socialiste. Membre du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, il fréquente par exemple Malraux, mais il noue aussi des contacts avec les milieux catholiques et n'est pas non plus tout à fait étranger à la franc-maçonnerie. Enfin, ce jeune militant socialiste n'hésite pas à se rapprocher de quelques grands capitaines d'industrie comme Ernest Mercier, le roi de l'électricité, comme on le surnomme. Et ici, on touche à l'un des premiers mystères du dossier Albertini. Un mystère, expliquez. Avant-guerre. Le grand patronat est alors très inquiet. Mais c'est l'émergence du Front populaire. Et la progression idéologique du communisme. Ouais, plutôt Hitler que Blum. Oui, c'est ce que pensent nombre de grands patrons. Des gens qui vont rejoindre et financer une organisation clandestine, la Cagoule, qui envisage tout simplement de s'emparer du pouvoir par la force. Et la Cagoule, malgré cette appellation folklorique, représentera un danger réel dans la deuxième moitié des années 30. Elle perpétrera des attentats. Et des assassinats. Et lorsque les autorités de la République s'attaqueront sérieusement en septembre 37 à cette entité séditieuse, elles découvriront une organisation secrète très structurée et puissamment armée, qui avait infiltré des milieux très divers. Oui, et qui avait des relais donc, dans les forces armées. Au plus haut niveau, oui. Et vous savez bien que le maréchal Pétain, s'il n'en était pas officiellement, était entouré de cagoulards. Mais je reviens à ce que je disais. L'argent. Le nerf de la guerre est donc fourni par quelques grands industriels. Le premier d'entre eux étant Eugène Schüller. Oui. Créateur de L'Oréal. Une entreprise qui sera, avant et après la guerre, truffée de cagoulards. Certains d'entre eux ayant même du sang sur les mains. Passons. Vous savez aussi que l'on retrouvera beaucoup de ces comploteurs à Vichy. Oui, mais la vérité oblige à dire que d'autres rejoindront De Gaulle. C'est exact. Mais ils ne sont pas les plus nombreux. Leur tropisme d'extrême droite les portait presque naturellement à soutenir Pétain et la Révolution nationale. Et est-ce que vous ne vous éloignez pas de Georges Albertini, là ? Ah bah pas du tout, parce qu'il est très probable que le militant socialiste qu'il était avant-guerre a eu des contacts avec la cagoule et son principal financier, Eugène Schüller. Ouais, probable, mais pas certain. Si, comme je le pense, cette relation a existé, ça expliquerait bien les choses. Et en particulier, l'étonnant soutien qu'a reçu Albertini lorsqu'il est sorti de prison en 1948. Mais ici, il faut parler d'un autre homme qui naviguait dans les mêmes eaux. Alors qui ? Le banquier Hippolyte Worms. Et quand vous dites les mêmes eaux ? Celui des ligues fascisantes qui pullulaient avant-guerre. Encore une fois, je n'ai pas de preuves, mais je suis presque certain que Georges Albertini a eu très tôt des contacts avec Worms. Cependant, si vous le permettez, je vous reparlerai de ce banquier qui a joué un rôle primordial à Vichy et pendant toute la période de l'occupation. Attendez, il faut quand même m'expliquer pourquoi un Worms ou un Schüller peuvent avoir des accointances avec un militant socialiste tel que Georges Albertini. Mais je crois vous avoir donné quelques clés. Albertini est un partisan du rapprochement avec l'Allemagne et il est violemment anticommuniste. En plus, il appartient à un courant de la SFIO qui prône des réformes technocratiques et qui conviennent à ses grands patrons. D'ailleurs, ces socialistes-là ne tarderont pas à rompre avec la vieille maison, comme l'appelle Léon Blum. Alors, pour le grand patronat, la tentation est grande de lancer des passerelles en direction de ces hommes qui peuvent aussi se révéler être de précieux conseillers politiques. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et Vichy permettra de réaliser l'amalgame. Et lorsque la guerre arrive, alors que devient Albertini ? Il est mobilisé. Et en tant qu'officier, il fait une guerre très honorable et sera démobilisé en octobre 1940. Mmh. Et politiquement, à l'époque, alors ? Ben, il est presque naturellement pétainiste. Et en cela, il réagit comme l'immense majorité des cadres de la SFIO, dont les députés ont voté les pleins pouvoirs au maréchal dès le mois de juillet. Il fait aussi partie de tous ces Français qui ne sont nullement choqués par la poignée de main de Montoire. Oui, la poignée de main entre Hitler et Pétain. Hein. Oui, mais cela signifie qu'il approuvera sans réserve la politique de collaboration. Après tout, pour lui, dans le national-socialisme, ben, il y a socialisme. Hein. Oui, on peut dire. Mais à ce moment-là, est-ce que cet homme superactif là, a de nouveau des activités politiques ? Non, il va attendre quelques mois. Même si, à l'invitation de l'un de ses anciens amis de la CGT, René Belin, devenu ministre du Travail de Pétain, il a déjà séjourné une petite quinzaine de jours à Vichy. Et il a repris ensuite son travail de professeur à Troyes. Mais c'est vrai qu'il doit piaffer d'impatience, d'autant que les événements se précipitent. En juin 1941, Hitler rompt le pacte germano-soviétique et attaque l'URSS. L'anticommuniste viscéral qui est Albertini ne peut que se réjouir. Ouais, ça veut dire qu'il a donc déjà clairement choisi son camp. Et le destin lui fait un clin d'œil en octobre de la même année. Au cours de l'un de ses voyages à Paris, il rencontre son ancien camarade de la SFIO, Marcel Déa. Une entrevue décisive. L'écrivain et historien Pierre Assouline a été l'un des premiers à s'intéresser au parcours tortueux de Georges Albertini. D'un numéro de l'Histoire de juin 1986, j'extrais ces quelques lignes. Proche des théories socialistes du Belge Henri de Mans, qui prône la révision du marxisme et auquel adhèrent beaucoup d'intellectuels français, Georges Albertini collabore au groupe et aux brochures de « Révolution constructive » de Georges Lefranc, normalien et professeur, futur historien du mouvement syndical français et du Front populaire. Dès ce moment, mes idées politiques sont fixées. Socialisme rénové à la demande, pacifisme, politique extérieure honnête, rapprochement franco-allemand, anti-bolchevisme, écrira-t-il plus tard. Il est pendant ces années d'avant-guerre un militant convaincu et l'un des chefs de file du Parti de la paix. Albertini plonge ainsi au cœur de cet esprit de Munich qui n'était le monopole ni de la droite ni de la gauche. Dans les manifestes et les pétitions qui circulent alors, il se fait toujours remarquer car son nom, alphabet oblige, est en tête des signataires. Bref, on le voit partout, dans les colloques, réunions, congrès, conférences. Et que ce soit dans les milieux syndicaux, radicaux socialistes ou à la Ligue des droits de l'homme, on le sait promis à un avenir politique. En octobre 1941, avez-vous dit, Albertini revoit son ancien camarade de la SFIO, Marcel Déa. Déa, qui a depuis longtemps rompu avec le socialisme, pour créer son propre parti, le RNP, Rassemblement National Populaire. Un parti d'inspiration fasciste. Absolument. Hein. Ouais. Le programme de Déa est sans ambiguïté. Il s'agit de créer un État fort, dirigé par un parti unique, d'épurer et de protéger la race française, de construire une économie à base corporatiste et bien sûr, de collaborer totalement avec l'Allemagne nazie, Déa se réservant de tenir le rôle du futur Führer français. À vrai dire, avant même cette rencontre physique avec Déa, Albertini, séduit par les idées du RNP, s'est déjà engagé. Il a par exemple accepté d'être le délégué du parti pour le département de l'Aube. C'est donc son grand retour en politique. En effet. Et lui alors, l'ancien socialiste, l'intellectuel antifasciste, adhère sans état d'âme à cette idéologie totalitaire. Oui, aussi surprenant que cela paraisse. Mais il n'est pas le seul à avoir aussi brutalement retourné sa veste. Le cas de Jacques Doriot est au moins aussi spectaculaire. Ouais, du communisme à l'itérisme. Doriot, grand rival de Déa. Car en ces temps troublés, ils sont plusieurs à vouloir revêtir l'uniforme du futur Führer français, à l'imitation de leur idole allemande. Ouais, dans l'optique de l'Europe nouvelle, hein, censée exister après la victoire du Troisième Reich. Bien sûr. Et la compétition va être impitoyable entre tous ces apprentis dictateurs. Mais revenons à Albertini. Lui ne veut pas être Führer, mais il entend quand même occuper l'une des premières places au soleil. Et justement, Déa lui offre une position enviable. Le secrétariat général de son parti. La place de numéro 2, en somme. Et pour cet homme qui rêve d'influer sur le cours de l'histoire, c'est incontestablement une consécration. Car Déa, qui s'occupe surtout des relations extérieures de son parti et des relations avec les Allemands qu'il finance, Déa donc lui abandonne la tâche de faire fonctionner la boutique et d'abord de mettre de l'ordre dans une maison qui en a bien besoin. Vous n'en avez pas encore parlé, mais qui a rejoint ce nouveau parti, là, le RNP? Le recrutement est très hétéroclite. On y trouve bien sûr des gens qui, comme Déa et Albertini, ont été des socialistes pacifistes. Il y a aussi des communistes victimes des purges internes et des syndicalistes séduits par le nouveau régime. Et quelques représentants des mouvements d'anciens combattants qui, avant la guerre, ont formé les gros bataillons des ligues factieuses qui n'ont cessé de comploter contre les institutions de la République. Il existe aussi une aile plus dure, essentiellement composée d'anciens cagoulards. Et parmi eux, il y a Eugène Deloncle, le chef du mouvement social révolutionnaire. Le MSR étant un fauné de la cagoule. Oui, les complices d'hier se retrouvent donc. Mais Albertini se méfie de Deloncle et de son activisme et se débrouillera pour s'en débarrasser. Toutefois, le jeune dirigeant du RNP, il a tout juste 30 ans, ne se contente pas d'organiser le parti, il participe aussi à l'élaboration de son programme idéologique. C'est lui, par exemple, qui signe les éditoriaux du journal du parti, L'Œuvre, et multiplie conférences et articles dans la presse de la collaboration. Et à l'occasion, l'infatigable Albertini se fait aider par un homme qui sera sa plume, un certain Guy Lemonnier. Lemonnier, d'où vient-il celui-là? Albertini l'a connu autrefois à la CGT, un type dont on reparlera car sous son pseudonyme de Claude Armel, il sera lui aussi après-guerre un homme de l'ombre très influent dans les milieux de l'entreprise. Ouais. Et quelles sont les idées qu'Albertini et sa plume, là, ce Lemonnier, développent dans leurs articles? Je vous ai déjà dit que le programme du RNP était ouvertement fasciste. Il s'y ajoute naturellement une bonne dose d'antisémitisme. Albertini qui dénonce à tout bout de champ le judéo-bolchevisme estime par exemple que la législation anti-juive mise en œuvre par le régime pétainiste ne va pas assez loin. Il exprime son souhait de voir l'Allemagne victorieuse régler définitivement la question juive en Europe. Définitivement. Oui, car ce sont les juifs qui ont voulu la guerre. Il faut donc qu'ils paient. Mais c'est un appel au meurtre. Ça y ressemble. Albertini n'hésite pas à écrire que la terreur doit être mise à l'ordre du jour. Dans un texte ignoble, il réclame des exécutions capitales. Il faut, écrit-il, que le sang coule en France. Ailleurs, il regrette que le pays ne soit pas encore assez antisémite. Il convient donc de faire son éducation pour qu'il le devienne. Et ça, c'est sans ambiguïté. Un Céline, un Brasillac ne diront pas autre chose. Et dans la foulée, Albertini demande à ses camarades du RNP, partout où ils se trouvent, de signaler et dénoncer toutes les activités juives illicites. Cet antisémitisme virulent permettra à un auteur qui s'est intéressé à Albertini de le qualifier de Barbie de l'esprit. Un Barbie qui ne se serait pas sali les mains en torturant ou en assassinant. Mais et qui, par ses écrits, a légitimé toutes ses exactions. Oui. Cependant, il est un autre aspect de l'activité de Georges Albertini que je voudrais développer, car il explique en partie ce que deviendra le secrétaire général du RNP après la guerre. Et là, nous allons retrouver cette mystérieuse synergie que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, c'est un sujet là, que vous avez abordé ici même, avec moi, il y a quelques années. Aussi, vais-je aller vite. La synergie est un mythe qui a eu la vie dure. Mais derrière, il y a quand même quelques réalités. Avant-guerre, dans certaines grandes écoles, comme Polytechnique, quelques bons esprits estimaient que leurs compétences les destinaient tout naturellement à diriger le pays. Bref, ils rêvaient d'un gouvernement de techniciens qui transcenderait les clivages politiques traditionnels et en finirait avec la lutte des classes. Oui, mais concrètement, alors, ça se traduisait par quelque chose? Oui, à l'initiative d'un polytechnicien, Jean Coutreau, un cercle de réflexion avait été créé, X-Crise, une appellation qui faisait référence à la crise de 1929. Les membres de ce cercle discret entendaient mettre en place une économie planifiée pour mettre fin à la crise. Ouais. Et on a pu penser alors que ce cercle était en fait à la base de la synarchie. Oui, d'autant que la cagoule qui aurait donc constitué les troupes de choc de la synarchie était dirigée par un autre polytechnicien, c'est Eugène Deloncle. Aussi, la personnalité de Jean Coutreau, tout autant que sa mort mystérieuse en 1941, ont permis à certains de penser que le chef de la synarchie, le numéro un, était bien cet agitateur d'idées. En tout cas, à Vichy, dès le début, les technocrates s'imposent. Et parfois même contre le cabinet du maréchal. Il y a là des hommes comme Boutillier, le ministre des Finances, Jean Bichelonne, Pierre Pucheux, Jacques Barnot ou François Le Hideux, et surtout Gabriel Leroy-Ladurie. Ouais. Et quel est leur objectif alors à tout Ils ont une idée prioritaire. Faire redémarrer les entreprises et moderniser l'appareil de production. Et le régime autoritaire de Vichy leur permet d'aller vite en procédant par décret. Mais beaucoup de ces jeunes capitaines d'industrie ou techniciens de l'économie ont une autre caractéristique. Ils ont travaillé directement ou indirectement avec la banque Worms. C'est même si évident que le directeur de cabinet de Pétain se serait écrié lorsque Darlan lui a présenté la liste de ses ministres. « Mais vous nous amenez toute la banque Worms. » Alors, la synarchie aurait été, comment dirais-je, une émanation de la banque Worms? Bon, n'exagérons pas, mais il était facile de le prétendre. Ce que n'ont pas manqué de faire les adversaires de ces prétendus synarques. La synergie, c'était aussi un excellent repoussoir. Et Albertini, alors? Le planiste Albertini se sentait naturellement proche de ces réformateurs de l'économie. Il a par exemple été membre d'un cercle économique dirigé par un émule de Mussolini, ministre de Vichy, Hubert de Lagardelle. Et puis, rappelez-vous ce que je vous ai dit, il avait probablement rencontré Hippolyte Worms avant la guerre. En tout cas, au milieu de tous ces gens qui tenaient la plupart des leviers économiques du pays, il s'est senti comme un poisson dans l'eau. Et il en a profité pour nouer de précieux contacts qui lui seront bien utiles après la guerre. Patrick Penaud, Rendez-vous avec X. Dans un livre de Jean Lévy, Le dossier Albertini, édité par l'Harmattan, j'ai retrouvé l'apostrophe du chef de cabinet de Pétain à l'adresse de Darlan. Mais vous nous amenez toute la banque Worms. La réponse de Darlan n'est pas moins intéressante. Je cite « Cela vaut toujours mieux que tous les puceaux de sacristie qui vous entourent », répond Darlan. « Pas de généraux, pas de séminaristes, des types jeunes, des salés qui s'entendront avec les frites et nous ferons bouillir de la bonne marmite. » On ne peut s'empêcher de penser à la formule qu'aura un an plus tard Gabriel Leroy Ladurie. « L'Europe sera faite par 10 banquiers ayant une volonté de faire. » Et plus loin, Lévy note « Le mythe du complot, de la société secrète que ses détracteurs appellent la synarchie, est loin d'être prouvé. Mais les faits demeurent. Le gouvernement de Vichy, sous Darlan, comme ensuite avec Laval, comprend des hommes issus directement de la banque Worms et en général du grand capital. Personne ne nie le rôle joué dans la coulisse par Gabriel Leroy Ladurie, le directeur de la banque Worms. Si d'une certaine façon Albertini prépare l'avenir, il n'en oublie pas pour autant le temps présent. Et quand en 1944, Marcel Déat est nommé ministre du Travail et de la Solidarité Nationale, Albertini devient son directeur de cabinet. 1944, les carottes seront bientôt cuites pour les collabos. Hein. Alors, Albertini a-t-il conscience que l'Allemagne a déjà perdu la guerre? Ça me paraît évident. Ouais. Et pourtant, en accédant à ce poste officiel, il s'engage encore un peu plus. Eh bien, je crois tout simplement qu'il ne résiste pas à l'attraction du pouvoir. Avant que tout s'écroule. Certainement. Mais je crois vous avoir aussi persuadé que Georges Albertini a pris des assurances. Ouais, toutes ces précieuses relations nouées au fur et à mesure des années. Hein. Avant-guerre et pendant la période de l'occupation. Et puis, il y a toutes ces fiches qu'Albertini a rédigées après chacun de ses rendez-vous. Quoi, c'est autant d'instruments de chantage? Pourquoi pas? En tout cas, la suite va démontrer qu'il a eu raison. Et son attitude dans les jours qui précèdent la libération est étonnante. Racontez. Hein. Chez tous ceux qui ont été des collaborateurs importants ou qui ont occupé des positions officielles, c'est la panique. Et la fuite à l'étranger. Vers l'Espagne franquiste, l'Italie et bien sûr l'Allemagne. C'est par exemple le cas du patron d'Albertini, Marcel Déat. Vers la mi-août, quelques jours avant la libération de Paris, Déat décide de fuir vers l'Est. Cependant, avant de partir, il propose à Albertini de l'accompagner. Ouais. Et celui-ci refuse, oui, c'est ça? Oui, et quand Déat lui dit « vous serez fusillé », il aurait répliqué « mais au moins je ne serai pas déshonoré ». Un propos dont l'authenticité ne me paraît pas garantie. Surtout prononcé par un homme qui n'a cessé de se déshonorer depuis le début de l'occupation. Hein. Vous avez raison. Quoi qu'il en soit, il est vrai que Georges Albertini ne quitte pas Paris. Il prend toutefois quelques précautions. Il s'est procuré de faux papiers d'identité, des cartes d'alimentation et quitte son domicile pour rejoindre l'appartement de sa femme légitime dont il est séparé depuis qu'il vit avec sa secrétaire. Ça veut dire que malgré ses précautions, il s'attend à être arrêté. C'est certain. Mais c'est sa femme qui est d'abord interpellée. Son très jeune fils est confié à l'assistance publique. Malade, il ne tardera pas à mourir. Et ce drame nourrira ensuite la haine d'Albertini pour les communistes. Parce que pour lui, il ne fait nul doute que ce sont les communistes qui sont derrière son arrestation. Ouais. Et lui-même alors? Ben, il tombe, un mois plus tard, à la fin du mois de septembre. Et il est probable qu'il a été dénoncé. Remis aux mains de la justice à une période où l'épuration bat son plein, hein. Albertini risque gros. Ben, étant donné les fonctions qu'il a exercées, il est presque obligatoirement destiné à finir devant un poteau d'exécution. Comme nombre d'autres collaborateurs qui seront fusillés dans ces premiers mois qui ont suivi la libération. Oui, mais les temps de l'épuration sauvage sont quand même quasiment terminés. Alors, Albertini va avoir droit à un procès, hein, en bonne et due forme. Tout à fait. Et dans sa cellule de la prison de Fresnes, où il fréquente la fine fleur de la collaboration, Albertini prépare ardemment sa défense en compagnie de deux éminents avocats, dont l'un est un ancien ministre de l'Intérieur et l'autre un ex-communiste qui a autrefois défendu des militants accusés dans les années 20 de complot contre la sûreté de l'État. Et parmi ces communistes, il y avait un certain Boris Souvarine, un ancien bolchevique qui va bientôt jouer un grand rôle dans l'existence de Georges Albertini. Enfin, n'allons pas trop vite. Ouais, comme d'habitude. Défendre Albertini, La tâche est lourde, non ? Écrasante. D'autant que d'emblée, l'avocat général demandera la peine de mort pour intelligence avec l'ennemi. Et d'après ce que vous avez dit, cette accusation repose sur des faits accablants. Aussi, la défense d'Albertini va consister d'une part à accabler Marcel Déa, le vrai coupable, celui dont l'accusé n'aurait été au fond que le porte-parole, lui-même n'ayant été qu'un pacifiste égaré. Et d'autre part, les avocats vont s'attacher à faire comparaître un certain nombre de témoins prestigieux, résistants ou proches de la résistance, qui affirmeront tous qu'Albertini les a peu ou prou aidés à échapper à une arrestation par la Gestapo. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre que parmi tous ces témoins, il se trouvera nombre de ses anciens amis de la SFIO. Des gens qui lui sont redevables ? On peut l'imaginer. Et puis, il faut observer que le prisonnier Albertini a bénéficié d'un coup de chance assez exceptionnel. À Fresnes, dans sa cellule, il a vu arriver Hippolyte Worms en personne. À ce que le banquier est aussi inquiété par la justice. Mais il ne restera pas longtemps en prison et bénéficiera d'un non-lieu et retrouvera bientôt le décor douillet de son bureau de PDG et de sa banque. Ouais, il est passé à travers les gouttes, ouais. Malgré sa collusion évidente avec le régime de Vichy, oui. En tout cas, pour Albertini, la présence de Worms est une divine surprise. Ouais. Et vous pensez, ce que vous avez dit déjà, qu'ils s'étaient déjà rencontrés auparavant, hein? Oui, bon, enfin, peu importe. Enfermés ensemble pendant 3 longs mois, les deux prisonniers vont apprendre à se connaître et même à s'apprécier. Albertini, qui risque pourtant bien plus gros que le banquier, réconforte ce dernier. Et Worms découvre que l'homme qui partage sa cellule est un esprit brillant. Un homme qui pourra peut-être plus tard lui être bien utile. Mais condition d'échapper au poteau d'exécution. Naturellement. En outre, les deux hommes ont un autre point commun, leur anticommunisme. Or, ils savent déjà que la grande affaire des années qui vont suivre la Seconde Guerre mondiale sera la compétition entre l'Ouest et l'Est. Et la guerre froide qui ne tardera pas à opposer les deux blocs. Hein. Non, les luttes qui s'annoncent, un Albertini pourrait donc devenir un conseiller précieux pour le banquier Worms. Et je suis sûr que celui-ci l'a très vite compris. Je suis même persuadé qu'il a proposé à Albertini de jouer de toute son influence pour conforter sa défense. Et comment alors ? Bon, en sollicitant quelques personnages qui pourraient se présenter à la barre lors du procès d'Albertini. Ouais, des témoins favorables, quoi. C'est ça, oui. Mmh. Mais au fait, Worms était d'origine juive, non ? Certes. Toutefois, il y a longtemps que sa famille avait rompu avec le judaïsme et s'était même converti au catholicisme. D'accord, mais quand même, l'antisémitisme d'Albertini, si ouvertement arboré pendant l'occupation. Eh bien, apparemment, ça n'a nullement choqué Worms. Et quand ce dernier a été libéré, il a promis à Albertini de l'aider le moment venu. Autre interrogation, alors, les fiches d'Albertini, ces fameuses fiches-là, j'imagine que les policiers qui l'ont arrêté ont procédé à une perquisition de sa planque. Bien sûr, mais ils n'ont trouvé que des archives du RNP, des documents sans grand intérêt. Ouais. Albertini avait donc mis ses précieuses fiches en sécurité. On peut le penser. Mmh. Mais venons-en au procès. Il s'ouvre à la fin du mois de décembre 1944. Et il est prévu qu'il dure 2 jours. 2 jours seulement, alors que c'est l'un des principaux personnages de la collaboration qu'on va juger. Et que le chef d'inculpation est particulièrement grave, oui. Manifestement, on a envie que ça aille très vite. Et c'est ce qui va avoir lieu. Exactement. Un véritable tour de passe-passe. Pendant ces 2 jours où les deux avocats d'Albertini se montrent extrêmement habiles, l'accusé est soudain transfiguré. Le collabo antisémite qui réclamait du sang se mue en un paisible homme de gauche qui a simplement commis l'erreur de s'être trompé. Et qui, bien entendu, a été abusé par le pervers Déa qui s'est pris pour un fureur à la française. Bref, un homme à plaindre. Et j'exagère à peine. Et la conclusion est à la hauteur de cet exercice de transformisme. Albertini sauve non seulement sa peau, mais il n'est condamné qu'à 5 ans de travaux forcés. Ouais, ce qui lui laisse espérer une libération avant le terme de ses 5 ans. Évidemment. D'ailleurs, il se trouvera rapidement de bons amis socialistes pour alléger son fardeau. Et obtenir que sa peine soit réduite ? En effet. Et en 1948, c'est quasiment un homme neuf qui sort de la centrale de Poissy et va entamer une deuxième carrière assez époustouflante. Mais ça ne résout pas ce que d'aucuns ont appelé l'énigme Albertini. C'est-à-dire ? Eh bien, comment expliquer l'étrange mansuétude dont a bénéficié cet homme qui avait été un des plus ardents partisans de la collaboration avec les nazis ? Nous poursuivrons donc la semaine prochaine la diffusion de cet entretien consacré au mystérieux Georges Albertini. Un dernier mot, destiné à vous allécher. Un portrait de ce personnage intrigant que j'ai trouvé dans l'ouvrage de Pierre Assouline consacré à un autre homme d'influence, Jean Jardin. L'écrivain décrit ainsi Albertini. Qui croirait, en observant cet homme marcher boulevard Haussmann sur la petite distance qui sépare ses deux bureaux, qu'il est si discrètement puissant? Il est rablé et soucieux de sa mise. Il n'a plus besoin de prouver ses talents d'orateur, lit beaucoup attentivement des comptes rendus plus que des livres. Sa forte personnalité le rend quelquefois envahissant au goût de ceux qui aimeraient aussi en placer une. Volontiers coléreux, très corse par son esprit de clan, il est fidèle en amitié. Il aime bien cultiver le mystère aussi, Georges Albertini. Selon ceux qui l'ont fréquenté quotidiennement au cours de sa seconde carrière, il aime s'entourer du halo nécessaire pour qu'on le sache apte à recevoir et conserver les secrets. Il inspire confiance, à juste titre. C'est une agence de renseignement à lui tout seul, un des Français les mieux informés, très au fait des tenants et des aboutissants des hommes et des affaires de la coulisse. Enfin, vous trouverez de nombreux détails sur la vie d'Albertini dans le passionnant et récent ouvrage dirigé par Benoît Colombin et David Servenet, L'histoire secrète du patronat. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission, la podcaster et même communiquer avec nous. À samedi prochain, merci à Michel Biou, Valérie Ayestaraï, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub. Et dans un instant, on part à la campagne, c'est au De mon amour de Denis Chessou.